Chapitre 7e. Épisode de la vie d'une comtesse. Vers le milieu de janvier, Harry se rendit à Londres et entra dans le bureau de M. Bailey, dans le bâtiment de la Delphia. Ce bureau se composait de 5 grandes pièces qu'il avait vues sur la Tamise, et Harry trouva dans l'une d'elles un pupitre pour lui et 3 jeunes apprentis de son âge environ. La pièce était spacieuse, haute, avec 2 grandes fenêtres, et un plafond était couvert aux angles d'arabesques italiennes avec une déesse planant au-dessus des nuages au milieu. À une époque antérieure, cette maison avait servi de résidence à quelque homme riche et important qui avait goûté la fraîcheur des brises envoyées par la Tamise avant que Londres ne fût devenu ce qu'il est aujourd'hui et avant qu'on eût endigué les bords du fleuve. Rien ne pouvait être plus agréable que cette pièce et que le siège et le pupitre placés exprès pour lui près d'une fenêtre. Mais il y avait dans le ton de ses nouveaux confrères quelque chose qui lui déplaisait un peu. Il ignorait sans doute qu'il était agrégé de l'université et le traitait sans aucun des égards dus à ce grade élevé. À Stratton, on lui avait témoigné plus de déférence. On savait qui il était, et on l'avait traité en conséquence. Là-bas au moins, personne ne lui avait tapé sur l'épaule, ne lui avait donné des coups de poing dans les côtes, ne l'avait appelé ma vieille, n'avait pris avec lui aucune des familiarités qu'on se permettait à Londres. Chez M. Bailey, un jeune homme qui certainement avait quelques années de moins que lui et qui ne paraissait pas avoir atteint un bien haut degré de science dans sa profession, crut faire acte d'amitié et de bon goût en déclarant que le nouveau venu était une bonne patte dès le second jour de son installation. Il ne déplaisait pas, Harry, qu'on le crût une bonne patte, un bon zig. Mais il ne voulait recevoir ces appellations familières que de ceux qu'il connaissait depuis assez longtemps pour savoir qu'il les méritait. Et M. Joseph Walker, son jeune collègue, n'était pas du nombre de ces gens-là. Il y avait un homme chez M. Bailey qui avait le droit de le traiter avec une familiarité affectueuse et d'être traité de la même façon, bien que Harry ne l'eût jamais vu avant le jour où il entra pour la première fois à la Delphi. C'était Theodore Burton, son futur beau-frère, qui était alors à la tête de la maison de Londres, en ce sens qu'il faisait toutes les grandes affaires bien qu'il ne fût pas encore associé. Il était convenu que Theodore Burton devait entrer dans l'association quand son père en sortirait, et en attendant, il recevait 25 000 francs par an comme premier commis. C'était un homme laborieux, rangé, intelligent, à la tête chauve, au front haut, et avec cet air toujours absorbé que prennent les hommes d'affaires. Harry Clavering ne pouvait pas venir à bout de l'aimer, parce qu'il portait des gants de fil et avait la détestable habitude d'épousseter ses souliers avec son mouchoir de poche. 2 fois de suite, il se permit cela le premier jour que Harry fit sa connaissance, et celui-ci en fut choqué outre mesure. Les gants de fil étaient aussi à ses yeux un défaut grave, et les gros souliers de M. Burton étaient aussi peu attrayants. Mais les épousseter avec son mouchoir, c'était trop fort. Il y avait aussi dans les manières de Theodore Burton quelque chose qui ne plaisait pas à Harry, en dépit des efforts qu'il faisait pour être aimable envers lui. Harry se disait qu'il n'avait jamais promis d'épouser toute la famille Burton, et qu'il ferait bien de le faire comprendre. Car Théodore semblait le regarder comme sa propriété, l'appelait Harry tout court, et le reprochait avec une vivacité amicale, et de ne s'être pas rendu chez lui dans sa maison d'Onslow Crescent. « Je vous en prie, lui disait-il, venez-y comme chez vous. J'espère que vous trouverez ma femme aimable. Ne craignez pas de perdre votre temps en venant le passer chez nous, car nous lisons tous beaucoup. Voulez-vous venir dîner aujourd'hui ? » Florence avait dit à Harry qu'elle était de la part de Théodore l'objet d'une prédilection particulière et que Théodore, comme frère et comme homme, était à ses yeux la perfection. Cependant, Harry, qui avait vu Théodore épousser ses bottines avec son mouchoir, ne voulut pas dîner avec lui ce jour-là. Il fit bientôt après une pénible découverte. C'était que tout le monde à la maison était au courant de ses projets de mariage avec la fille de M. Burton. Il venait lui aussi de Stratton, et lui aussi il n'avait pu traverser le feu sans s'y brûler. Il lui avait fallu passer où Grangers, Carnes et d'autres avaient passé avant lui. Désormais, disaient les commis, Stratton serait un lieu plus sûr, puisque Clavering avait pris la dernière des filles. C'était là leur manière d'envisager la chose. Ce n'était pas ainsi que Harry en jugeait. Bien loin de là, il s'applaudissait de la bonne fortune qui avait mis Florence sur son chemin. Il savait quelle énorme différence existait entre sa Florence et Charlotte Scarness. Il repoussait avec indignation l'idée qu'il eût à se repentir de son choix. Il aurait souhaité pourtant que toutes ces petites affaires de famille fussent restées secrètes et que ses engagements avec Florence n'eussent pas été connus de tous ses collègues. Aussi, quand Walliker, 4 jours après son arrivée, lui demanda si tout le monde allait bien à Stratton, il en conçut un vif dépit et jura une haine éternelle à Walliker. Il avait refusé la première invitation que lui avait faite Théodore, mais il ne pouvait pas s'éloigner indéfiniment de son futur beau-frère, et il avait promis ce jour-là d'aller dîner chez lui. Le même jour, dans l'après-midi, en quittant le bureau de M. Bailey, il se rendit dans Bolton Street pour y rendre visite à Lady Ongar. Tout en y allant, il se disait que Walliker et ses autres collègues n'avaient jamais eu dans leur vie les mêmes incidents que lui. Il le plaisantait au sujet de Florence Burton, mais il ne soupçonnait pas qu'il avait été l'amant aimé d'une beauté comme Julie Brabazon, d'une grande dame comme Lady Ongar. Mais il était content de son sort. Julie Brabazon ne pouvait faire le bonheur de personne. Mais Florence serait la plus douce, la plus chère, la plus fidèle épouse qu'un homme eût jamais rencontrée. Il pensait à tout cela, et il se proposait d'y penser de plus en plus chaque jour quand il arriva à la porte de Lady Ongar. Il fut reçu par la même femme de chambre qu'il avait vue à la gare du chemin de fer et introduit par elle dans le salon qu'il avait inspecté avec un soin si scrupuleux avant de le louer pour celle qu'il habitait alors. On le fit attendre 5 ou 6 minutes et il eut tout le temps d'examiner l'ameublement. L'appartement n'avait plus l'aspect qu'il présentait un mois auparavant. Julie lui avait fait dire qu'elle en avait été très satisfaite, mais néanmoins tout y avait été changé. Il y avait un piano neuf et des housses de personnes œuvres couvraient les meubles. Partout s'étalaient de petits colifichets de femmes indiquant à la fois le goût et l'opulence. Il y avait des objets d'art, des joujoux élégants, des statuettes, 1000 petits riens, comme les riches peuvent seuls en posséder, et encore faut-il pour cela qu'ils joignent le goût à la richesse. Un pas léger se fit entendre, la porte s'ouvrit, et il se trouva en face de Lady Ongar. Il s'attendait à voir la même figure qu'il avait vue sur la plateforme de la gare, la même robe épaisse et sombre, la même attitude morne et presque funèbre, peut-être aussi le même voile sur la figure. Mais la figure qui lui apparut ressemblait aussi peu à Lady Ongar qu'à la petite Brabazon qu'il avait connue jadis à Clavering. Elle était vêtue de noir, mais en dépit de son crêpe et de ses vêtements noirs, elle n'avait rien de l'abattement ni de la tristesse imposante du deuil. Il remarqua à peine que sa robe était de crêpe et que de longs rubans blancs descendaient de l'élégant bonnet coquettement posé sur sa tête. Il ne s'occupait que de sa figure. Tout d'abord, il crut que ce ne pouvait être la même femme, tant elle lui paraissait vieillie. Et néanmoins, à mesure qu'il la considérait, elle lui paraissait aussi belle que jamais. Il y avait dans sa figure et son attitude une dignité qui lui allait bien, et tout son air indiquait qu'elle se sentait véritablement comtesse. Les traces des années passées ne déparaient aucunement son visage. Ils indiquaient la maturité de la femme, succédant à la fraîcheur de la jeune fille. Ses yeux avaient plus d'éclat qu'autrefois, et Harry les trouvait même plus grands. Son front élevé et son air plein de noblesse étaient en harmonie parfaite avec la toilette et la coiffure qu'elle portait. « Je vous attendais, » lui dit-elle en s'avançant vers lui. « Hermione m'a écrit que vous deviez arriver lundi dernier. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?» Elle souriait tout en parlant, et le ton de sa voix trahissait une assurance qui le remplit d'étonnement. « J'ai eu tant à faire, » lui dit-il en balbutiant. « Est-ce votre nouvelle profession qui vous a tant occupé ?»« Ah, je comprends cela. » »« Vous voilà donc établi à Londres. Où demeurez-vous ? Êtes-vous définitivement installé ici ?» Harry lui répondit qu'il avait loué des appartements dans Bloomsbury Square et ne put s'empêcher de rougir en nommant un quartier aussi peu fashionable. C'était la vieille Mrs. Burton qui lui avait recommandé la maison où il logeait. Mais il ne crut pas nécessaire de faire connaître ce détail à Lady Ongar. « Je vous dois bien des remerciements pour ce que vous avez fait pour moi, » continua-t-elle. « Vous vous êtes enfui ce soir-là avec tant de précipitation que je n'ai pas pu vous parler. Mais pour vous dire la vérité, je n'étais pas en humeur de parler à qui que ce fût. Naturellement, vous avez trouvé que je m'étais mal conduite envers vous. « Oh non, » dit-il, « je le sais. Et si je croyais que vous n'avez pas été fâché contre moi, je le serais maintenant contre vous. Mais Dieu sait que je ne pouvais faire autrement. pourquoi Sir Hugh Clavering n'est-il pas venu au-devant de moi? Lui, le mari de ma sœur, pourquoi s'est-il si peu inquiété de moi? Harry ne pouvait répondre à cette question. Il était encore debout, son chapeau à la main. Il tournait la face d'un autre côté et secouait la tête. « Asseyez-vous, Harry, lui dit-elle, et laissez-moi vous parler comme une amie. À moins que vous ne soyez pressé de vous en aller. » « Non, dit-elle en s'asseyant. « Ou à moins que vous n'ayez peur de moi. » « Peur de vous, Lady Ungar, et pourquoi ?»« J'ai tort. Ce n'est pas vous qui aurez peur de moi, qui sera assez lâche pour abandonner une femme qui était jadis votre amie, parce que l'infortune s'est abattue sur elle, parce que la calomnie a travaillé à noircir son nom. » « J'aime à croire que non, dit-il. « Non, Harry, non. J'ai une toute autre opinion de vous. Mais si mon beau-frère n'est pas un lâche, pourquoi n'est-il pas venu au-devant de moi? Pourquoi m'a-t-il laissé seul alors qu'il pouvait me rendre service? Je savais depuis longtemps que l'or était son dieu. Mais je ne lui ai jamais demandé un shilling, et alors, moins que jamais, je ne lui aurais demandé quoi que ce fût. Mais vous, Harry, vous rappelez-vous le chèque que vous m'avez envoyé? C'était bien mal à vous. Vous vous en souvenez? Oui. Et moi aussi, je ne l'oublierai jamais. Si j'avais accepté cet argent, combien de fois j'en aurais entendu parler ensuite? Que voulez-vous dire? Croyez-vous que je vous en eusse reparlé? Oh oui, je le crois. Que de fois vous m'en auriez rabattu les oreilles? Vous n'auriez pas laissé passer une semaine sans m'en parler. Est-il possible que les hommes soient capables d'une telle petitesse? Harry s'aperçut alors que l'esprit égaré de Lady Ungar se reportait vers son mari. Et le reproche qu'il lui avait adressé au sujet des 1000 livres qu'elle avait reçus de lui peu avant son mariage. Harry s'abstint de répondre sur un sujet aussi triste et aussi délicat. Il ne prévoyait pas que Lady Ungar allait commencer le lugubre récit de sa vie conjugale. « Oh, reprit-elle, combien de fois j'ai souhaité avoir accepté votre argent. Que de sanglants reproches, je me serais épargné. Mais ces reproches n'étaient rien en comparaison du reste. Mais n'était-ce pas de la lâcheté de la part de votre cousin d'agir comme il l'a fait? Si je n'avais pas demeuré chez lui, comme un membre de sa famille, cela importerait peu. Mais après ce qui s'est passé, me renier ainsi devant le monde, c'est comme si mon propre frère m'eût fermé sa maison. Lady Clavering est venue vous voir, n'est-ce pas? Oui, une demi-heure. Elle est venue une seule fois, toute tremblante, comme si elle eût peur de moi. Pauvre Hermione, elle n'est guère heureuse, elle non plus. Vous autres, seigneurs de la création, vous rendez la vie triste et dure à vos esclaves quand vous passez du rôle de galant et d'amoureux à celui de maître et de tyran. Ce n'est pas Hermione que je blâme. Je crois qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu, et je ne lui ai pas adressé le moindre reproche. Je ne lui en ferai aucun, à lui non plus. Maintenant, s'il venait me voir, ma porte lui serait fermée. Il m'a insulté, et je ne l'oublierai plus, désormais. Harry Clavering ne comprenait pas bien ce que Lady Ungar avait attendu de son beau-frère. Quel service elle réclamait de lui, et il ne savait trop s'il devait s'offrir à le remplacer. Il était disposé à faire tout ce qui dépendait de lui, prêt à tous les sacrifices qu'elle aurait pu exiger. Du même, sa prudence les désapprouvait. « Si j'avais cru, lui dit-il, que vous aviez besoin de quelque chose, je serais venu plus tôt. J'avais besoin de tout, Harry. » De tout excepté de ce chèque de 600 livres que vous m'avez un jour si traîtreusement envoyé. Vous n'avez jamais pensé aux conséquences de cet acte, Harry, s'il eût été connu. Tout le monde aurait dit que vous agissiez dans un but intéressé. Tout le monde l'aurait pensé, excepté une seule personne. Harry, en entendant ces mots, se sentit rougir. Il se demanda si Lady Ungar le savait fiancé avec Florence Burton. Lady Clavering, qui le savait depuis longtemps, pouvait n'en avoir rien dit. Il aurait bien voulu être renseigné là-dessus, car suivant qu'elle le savait ou non, les paroles de Lady Ungar auraient une signification très différente. Il ne voulait pas lui faire connaître le fait lui-même. Il tâcha de se persuader qu'elle le savait, parce que cela les mettrait tous les deux à l'aise. Cependant, si elle en était instruite, pourquoi ne lui en avait-elle pas fait ses compliments? « Mon intention n'était certainement pas mauvaise, » dit-il, en réponse aux dernières paroles qu'elle avait prononcées. « Je le sais, Harry. » Vous ne m'avez jamais voulu que du bien, quoique vous m'ayez un jour cruellement traité. Vous avez sans doute oublié les dures paroles que vous m'avez adressées jadis. Vous autres hommes, vous oubliez ces choses. Je me rappelle que je vous appelais d'un certain nom. Ne le répétez pas, s'il vous plaît. Si je l'ai mérité, il me ferait rougir, et sinon, c'est vous qui auriez lieu d'en rougir. Non, je ne le répéterai pas. N'est-il pas étrange, Harry, que ne soyons vous et moi assis ici, causant de cette manière. » En parlant ainsi, elle se penchait de son côté, de l'autre côté de la table, appuyant son front sur une de ses mains, pendant que ses yeux étaient arrêtés sur ceux de Harry. Cette attitude, il le sentait, était de nature à indiquer une étroite intimité. Elle ne se tenait ainsi devant lui, ramenant ses cheveux en arrière comme pour ôter à son visage tout air de deuil, que parce qu'elle se croyait en présence d'un ami tendre et intime. Il sentait cela presque instinctivement. « J'ai une si étrange histoire à vous raconter, Harry, » dit-elle. « Et pourquoi le choisir pour la lui raconter ?» Telle fut la question qu'il s'adressa. Il se rappela alors qu'elle n'avait pas de frère, que son beau-frère l'avait délaissé. Il se dit que s'il le fallait, il lui servirait de frère. « Je crains bien, lui dit-il, que vous n'ayez pas été heureuse depuis le jour de nos adieux. »« Heureuse, » reprit-elle, « je menais une vie que je ne croyais pas possible pour aucun être humain sur cette terre. Je serai franche avec vous, Harry. La conviction où j'étais que cela ne pouvait pas durer m'a seul empêché d'attenter à mes jours. Je savais qu'il devait mourir avant peu. Que dites-vous là, Lady Ongar ? Lady Ongar ! C'est là le nom qu'il me donnait. Et parce que j'avais consenti à recevoir ce nom de lui, il me traitait. Ô ciel ! Où trouverais-je des mots pour dire comment il me traitait ? Une femme ne peut pas dire ces choses-là d'un homme. Vous êtes le seul ami à qui je puisse me fier, et pourtant, je ne saurais tout vous dire, même à vous. Quand il découvrit qu'il avait eu tort de m'épouser, que je lui étais inutile, tandis qu'il m'avait cru nécessaire, que je lui pesais au lieu de charmer sa vie, savez-vous alors ce qu'il fit pour se débarrasser de son fardeau ? Clarine restait silencieux et la regardait. Elle pressait ses deux mains contre son front et il fixait sur lui ses grands yeux égarés au point qu'il se prit à la regarder lui-même avec une sorte de terreur. Alors, reprit-elle, il chercha un autre homme pour se débarrasser de moi. Et quand il vit que cela ne lui réussissait pas, il m'accusa de la faute où il avait voulu me faire tomber. « Est-il possible, Lady Ongar ? Oh, je comprends l'étonnement et la surprise qui se peignent dans vos regards. Il se peut même que vous n'ajoutiez pas foi à mes paroles. Mais j'en prends à témoin le Dieu auquel nous croyons tous les deux. Je ne vous dis rien que l'exacte vérité. » Lord Ongar essaya de me faire tomber et puis, n'y pouvant réussir, il m'accusa du crime auquel il m'avait provoqué. Et ensuite, Harry, la vie que je dus mener à ses côtés fut une vie impossible à raconter. Je traversai pourtant cette épreuve et je restai auprès de Lord Ongar jusqu'au dernier moment. Peu d'instants avant sa mort, avant sa dernière et effroyable maladie, pendant que j'étais assise à ses côtés, il me dit « C'est pour mon argent que vous restez auprès de moi. » « Oui, my lord, » lui répondis-je, « c'est pour votre argent et pour ma réputation. » C'était la vérité. Après avoir enduré tout ce qu'il m'avait infligé de cruelles souffrances, aurais-je eu raison d'abandonner le prix pour lequel je m'étais vendu ? J'avais été pauvre, et dans une position telle que ma pauvreté était pour moi une intolérable souffrance. Vous savez à quoi j'ai renoncé pour échapper à la pauvreté que je redoutais. Devais-je donc être frustré dans mes espérances parce qu'un être tel que lui avait fantaisie de revenir sur son marché ? Je m'attendais bien à ce qu'on m'appelât fausse et trompeuse. Peut-être même Hugh Clavering a-t-il cette opinion de moi en ce moment. Mais au moins, on ne pourrait jamais dire que j'avais laissé mon mari mourir seul sur la terre étrangère. Vous a-t-il jamais demandé de le quitter ? Non. Mais il m'appelait d'un nom qu'une femme ne saurait entendre s'enfuir aussitôt celui qui le lui a donné. Aucune femme ne le supporterait s'il n'avait un but comme le mien. Il voulait ravoir ce qu'il avait donné pour m'acheter, et j'étais bien résolu à déjouer tous ses vils calculs. Vint ensuite Harry, sa dernière maladie. Oh Harry, vous me prendriez en pitié si vous pouviez tout savoir. Elle fut le résultat de ses excès, mais il ne vivait plus que d'autres vies. Les spiritueux seuls pouvaient lui rendre quelque apparence de vie, et pourtant il hâtait sa mort. Ils l'ont tué. Vous n'avez jamais été témoin des horreurs de l'ivresse. Je vous souhaite de ne jamais les avoir sous vos yeux. C'est un spectacle qu'on ne saurait oublier. Je l'ai vu dans cet affreux état. Je l'ai soigné tout le temps, comme si j'eusse été sa servante. Je suis resté à ses côtés quand la domestique qui vous a ouvert la porte aujourd'hui ne pouvait plus rester dans l'appartement. Je suis resté quand la garde-malade de l'hôpital, incapable de comprendre les paroles qui lui échappaient, se trouvait mal en présence de ce qu'elle voyait et entendait. Il a bien été puni, Harry. Ah, je ne lui souhaiterais pas d'autre châtiment pour me venger de sa cruauté, de son injustice, de sa lâche perfidie. N'est-il pas effrayant de penser qu'un homme puisse se préparer une fin aussi horrible que la sienne ? Harry, lui, trouvait affreux qu'un homme eût le pouvoir de créer pour une femme un enfer pareil à celui que ce lord avait fait traverser à Lady Ongar. Il se disait que si Julie Brabazon eût été sa femme, comme elle le lui avait un jour promis, il ne se serait jamais permis de lui dire une parole dure. Jamais il n'aurait eu pour elle que des regards de tendresse. Mais elle avait préféré s'unir à un homme qu'il avait traité avec une cruauté telle qu'il avait peine à la concevoir. « Il est heureux pour lui, » dit-il enfin, « que Lord Ongar soit mort. »« C'est heureux pour nous deux, » dit-elle. « Peut-être maintenant comprenez-vous un peu ce qu'a été ma vie avec lui. Pendant toutes ces épreuves, je n'ai eu qu'un ami, si toutefois je puis appeler de ce nom un homme qui avait comploté contre moi, avec mon mari, qui devait l'aider à causer ma ruine. Mais lorsque cet homme eut compris que je n'étais pas telle qu'on m'avait dépeinte à lui, telle que mon mari lui avait dit, alors il changea de ton envers moi. Puis-je vous demander son nom ? Il se nomme Patorov. C'est un Polonais, mais il parle l'anglais à la perfection. Devant moi, il a dit à Lord Ongar qu'il était cruel et perfide. Lord Ongar se mit à rire, de ce rire fugitif, ironique, qui simulait chez lui la gaieté, et il dit au comte Patorov que c'était là naturellement une partie de son rôle devant moi. Cela suffit, Harry. Je ne veux pas ajouter un mot de plus. Vous en savez assez pour comprendre combien j'ai souffert. Et si vous pouviez croire que je n'ai pas été coupable. Oh, Lady Ongar. Soit, je vous croirai désormais. Mais autant que je sache, vous êtes le seul à me croire innocente. Je ne saurais dire quelle est l'opinion de ma sœur Hermione. Mais elle en viendra bientôt à croire ce que son mari lui commandera. Et ce n'est pas moi qui l'en blâmerai. Comment pourrait-elle faire autrement, la malheureuse ? Je suis sûr qu'elle n'a aucune mauvaise opinion de vous. J'ai un avantage sur elle et sur d'autres, c'est que je suis libre. Les fers de mon esclavage m'ont assez meurtri, mais ils sont brisés, je suis libre, et je garde le prix de mon esclavage. Lord Ongar avait écrit en Angleterre, le croiriez-vous, pour recommander que l'on recueille des témoignages à ma charge pour se débarrasser de moi. D'autres fois, il me faisait des gracieusetés dans l'espoir qu'un moment de légèreté amènerait ma perte. C'est ainsi qu'il invitait son complice à dîner, mais il s'absentait soudainement, et pendant ce temps-là, il ordonnait de me surveiller et de recueillir des témoignages contre moi. Des témoignages, vraiment ! Ce sont les mêmes domestiques qui m'entouraient pendant tout le temps, et s'il fallait plaider pour établir mon innocence, je la rendrais aussi claire que le jour. Mais toutes ces démarches n'ont pu vous nuire. Si, Harry, elles m'ennuient. Elles ont presque causé ma perte. Ces bruits malveillants ne sont-ils pas arrivés jusqu'à vous ? Dites la vérité, ne vous a-t-on rien dit ? J'ai entendu dire quelques mots. Oui, quelques mots. Dites-moi, si vous aviez entendu parler ainsi de votre sœur, qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous n'auriez eu aucun repos avant d'avoir arraché la langue au calomniateur. Vous voyez le mal que m'a fait la médisance. Pendant 2 ans, la maison de mon cousin Hughes a été la mienne. C'est chez lui que j'ai fait la connaissance de Lord Ongar. C'est chez lui que mon mariage a été négocié. Il est mon beau-frère. Il est l'homme qui me touche de plus près dans ce monde. Il occupe une position honorable dans la société, et dans ces circonstances, il aurait pu me rendre un service important. Pourquoi n'est-il pas venu me recevoir ? Pourquoi ne suis-je pas maintenant chez lui avec ma sœur ? Pourquoi ne m'a-t-il pas reçu chez lui pour faire voir au monde que les miens ne me reniaient pas ? Pourquoi enfin, est-ce à vous, Harry, que je raconte toutes ces choses, à vous qui ne m'êtes rien, à vous le cousin de mon beau-frère, à vous, jeune homme, qui, vu votre position, n'est pas fait pour être mon confident. Pourquoi est-ce que je vous raconte toutes ces choses à vous, Harry ? Parce que nous sommes de vieux amis, dit-il. On se demanda alors, une fois de plus, si elle savait qu'il était fiancé à Florence Burton. C'est vrai, nous sommes de vieux amis, et nous nous sommes toujours aimés mutuellement. Mais vous devez savoir qu'aux yeux du monde, j'ai tort de vous dire tout cela. J'aurais tort, en effet, si le monde ne m'avait pas ainsi rejeté. De sorte que je ne suis plus tenu de respecter ses décisions. Je suis maintenant Lady Ongar et j'ai ma part dans la fortune de cet homme. On m'a abandonné à Ongar Park parce qu'on sait qu'il m'appartient de droit et qu'il est ma propriété aux yeux de la loi. Néanmoins, cet homme m'a enlevé tous les amis que j'avais au monde. Et vous direz après cela qu'il ne m'a pas fait tort. Ne dites pas tous vos amis. Non, Harry, je ne vous oublie pas, bien que je vienne de vous mettre si légèrement de côté. Que votre vanité n'en souffre pas. C'est seulement le monde qui me refusera une amitié comme la vôtre. Le monde nous refuse toujours les choses que nous apprécions le plus. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Il se mit à sourire d'un air naïf. Il ajouta qu'il ne lui offrait son assistance que parce qu'elle pouvait en avoir besoin dans ce moment. Il était prêt à faire ce qu'il pourrait pour elle, prêt à lui prouver son amitié sur le champ, s'il y avait lieu. « Vous me l'avez prouvé suffisamment, Harry, » lui dit-elle, en m'écoutant et en m'accordant vos sympathies. « Nous avons rarement autre chose à demander à nos amis. Je n'ai besoin d'aucun service. Personne ne peut plus me faire beaucoup de mal désormais. Mon rang et ma fortune sont assurés, et peut-être, par degrés, réussirai-je à réunir autour de moi des connaissances, à défaut d'amis. Pour le moment, je n'en vois aucune autour de moi, et c'est pour cela que j'ai éprouvé le besoin de vous parler. La pauvre Hermione ne peut me tenir lieu d'un ami. Adieu, Harry. Vous paraissez surpris et confondu, mais cela passera. Ne restez pas trop longtemps sans venir me voir. » Comprenant qu'elle le congédiait, il lui dit adieu et s'en alla.